J'étais arrivé 47 ans et 4 mois. Et il vous arrive de faire des violons maintenant? Ah non. Vous avez complètement arrêté? Complètement.